On va voir un film au Champeau. Tu viens avec nous? Quand? Dimanche. Avec qui? Avec Béatrice. Qu'est-ce que vous allez voir? Les hommes préfèrent les blondes. Ah, oh, Marilyn, j'adore. C'est à quelle heure? À midi. Le Champeau, c'est bien rue des Écoles? Oui, oui, métro Odéon. Ok. Rendez-vous devant le cinéma à midi moins le quart. Tu viens avec Pierre? Non, il n'est pas à Paris. Il est à Marseille.